Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu le générique. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais donc, du coup, on est ensemble et on va vous parler on va vous parler notamment de Notre-Dame-des-Landes. Donc, là, du coup, qu'on en a souvent parlé, hein, comme vous le savez, l'aéroport, le projet d'aéroport a été annulé. Donc, ça, c'est déjà une première victoire. Et puis, donc, il y avait SEM L'Avenir, justement, organisé ce samedi 10 février à Notre-Dame-des-Landes. L'objectif est donc de se rencontrer, de voir quel avenir se construit sur cette zone qui a été défendue, protégée grâce à des initiatives collectives, des projets. Et avec, donc ça, on en a déjà encore plein de fois parlé. Il y en a plein de parmi vous qui, sans doute, sont déjà allés sur la ZAD et découvert, et qui ont pu découvrir donc tous les différents projets. Il y avait donc une grande rencontre avec des interventions, des réunions, des moments festifs. Donc tout le monde pouvait se rencontrer. Il y a eu environ 30 000 personnes. Certains sont repartis le soir même, d'autres sont restés toute la nuit. Et puis le lendemain, il y avait encore des rencontres. Et donc nous, on est quelques-uns à avoir eu la chance d'y aller, de partager encore un moment ensemble, toujours des super moments avec une super organisation, parce que maintenant, il y a quand même une grande expérience sur cette zone pour pouvoir recevoir des milliers de personnes, de pouvoir faire, de bien flécher, de bien trouver le moyen que tout le monde s'y retrouve et puisse naviguer d'une maison à une autre. Et donc, on était avec également, et ça, c'était aussi une bonne surprise et une bonne occasion, parce que depuis très longtemps, Notre-Dame-des-Landes, donc la zone à défendre contre ce projet d'aéroport, a toujours été en lien avec Atenco, les gens d'Atenco, qui, eux, au Mexique, dans la région de Mexico, ont lutté contre un projet d'aéroport, ont gagné, puis finalement, le projet s'est réactivé. Un peu les mêmes histoires qu'on retrouve un peu partout, avec des grandes répressions, avec plusieurs personnes emprisonnées. Il y a eu des répressions très violentes, avec des emprisonnements, mais aussi des viols, des grandes violences. Et il y a eu toujours ce partage entre ces deux luttes, et avec des échanges de cartes et des échanges aussi in vivo, en vrai, avec des personnes d'Atenco qui ont pu venir à Notre-Dame et vice-versa. Et donc là, malheureusement, à Atenco, la situation est beaucoup moins réjouissante que celle qu'on connaît actuellement sur la ZAD, même si sur la ZAD, la lutte continue, puisque justement, il va falloir réussir à continuer à défendre cette expérience collective qu'il y a eu sur ces territoires et qui ont permis justement de sauvegarder ces terres. Et donc, la lutte continue un peu de part et d'autre de l'océan. Et il y avait Trini, une personne qui a été très impliquée dans la lutte et qui était présente là avec nous à Notre-Dame. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec une copine qui l'a accompagnée depuis Paris. Et donc, on aura l'occasion d'écouter également son intervention. On parlera donc toujours de Notre-Dame-des-Landes avec... le projet d'ambassade, on vous en a déjà parlé. Donc sur il y a une nouvelle maison qui est en train de se construire sur la ZAD, c'est l'ambassade. Donc

89.3 FPP, la jungle des luttes. Et donc, on commence notre programme avec la venue de Trini en France et plus précisément, effectivement, à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, il y a la copine qui a pu l'accompagner qui va pouvoir nous raconter un petit peu ce que ça voulait dire, la présence donc de Trini qui avait lutté, enfin, qui est toujours en lutte contre le projet d'aéroport aux alentours, enfin autour de Mexico, capitale du Mexique. Donc. Et donc merci à toi d'être là, Chiquita. Bonsoir, merci à vous. Et Trinidad, mais je pense que tout le monde la connaît, est membre du Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, est venue, elle était à la SAD, à Notre-Dame-des-Landes, en dernière partie d'une tournée qu'elle a faite en Europe, qu'elle a commencé début février. Et Trinidad faisait partie d'une délégation mexicaine de 12 membres de familles de disparus et Trinidad Atenco pour la défense du territoire. C'était une délégation qui voulait un peu visibiliser ce qui se passe en ce moment au Mexique, notamment avec ces deux choses, les disparitions forcées et la défense du territoire. Et peut-être je vais dire un peu qui faisait partie de cette délégation mexicaine. C'était deux membres du Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Mouvement pour Notre Disparu, que c'est un réseau national qui regroupe plus de 35 comités locaux de familles de disparus et 40 ONG mexicaines engagées dans la lutte contre la disparition forcée au Mexique. Et la disparition forcée, on connaît très bien. On a beaucoup parlé à Paris d'Ayotzinapa, que c'est un des cas les plus emblématiques. C'est la disparition de 43 étudiants en 2014 aux mains des forces de l'ordre d'Iguala en septembre 2014. Dans l'état du Guerrero. Dans le Guerrero au Mexique. Et des étudiants qui sont toujours portés disparus. Et l'enquête est toujours ouverte et on n'a pas encore de réponse. Et les personnes qui sont venues du Movimiento por Nuestros Desaparecidos, qui a été créé en 2015, en fait, Ayotzinapa a beaucoup contribué à visibiliser les disparitions forcées au Mexique. C'était Araceli Salcedo, qui est mère de Fernanda Rubí, disparue en 2012 à Orizaba, dans l'état de Veracruz. Et Grace Fernandez, sœur de Danja Remel Fernandez, disparue en 2008 à Torreón, dans le nord du Mexique, dans l'état de Coahuila. Et Trinidad Ramírez d'Atenco est venue aussi, tout accompagnée par Serapaz, une ONG mexicaine qui était très active pour l'adoption d'une loi contre la disparition forcée et très active aussi contre l'adoption d'une autre loi au Mexique, la loi de sécurité intérieure. Elles sont allées à Barcelone d'abord, après Paris, et Trinidad tenait vraiment à visiter Notre-Dame-des-Landes. C'est Trinidad qui a proposé vraiment cette visite. Et on est parti le 9 février à Notre-Dame-des-Landes, on était arrivés là-bas, et très bien accueillis par les copains et les copines de la SAD. Et c'était un moment vraiment très beau, parce que là où on était accueillis, il y avait déjà un panneau de San Salvador Atenco et avec le slogan d'Atenco, de la terre ne se vend pas, elle sème et se défend. Donc, samedi, Trinidad a fait partie d'un des cortèges qui a défilé pour rejoindre la ferme de Bellevue. Et à Bellevue, elle a fait une très belle prise de parole en rappelant comment les combats ici, à Notre-Dame-des-Landes et là-bas à Atenco, est les mêmes. C'est une même lutte pour défendre la terre et contre les mégaprojets inutiles. Et comme elle dit au Mexique, proyectos de muerte, des projets mortifères. Et voilà. Si on veut, on peut peut-être justement l'écouter. Voilà, hein? La prise de parole. Et comme ça, après, on continuera à vous... Seulement pour dire que la prise de parole a eu lieu juste après, dans les champs, là où l'avion a brûlé, l'avion en voie, et toutes les maquettes des projets inutiles en France, comme les quartiers de Lentigère, Bure. Et c'était un moment de joie. Et après, il y a eu toutes les prises de parole. Et il y a les occupants de la SAD qui ont pris la parole d'abord. Et juste après, c'était Trinidad, ce que vous allez écouter. On y va. Hermanos! Estoy aquí en nombre de Atenco, en nombre del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Compañeros, sœurs, frères, je suis aujourd'hui ici au nom d'Atenco, du village d'Atenco, et au nom du Front des Villages en Défense de la Terre, au Mexique. Estoy en esta tierra sagrada que ustedes han defendido y están celebrando una victoria. Je suis ici sur cette terre sacrée pour la défense que vous en avez faite et pour la résistance que vous y avez menée jusqu'à la victoire. En Atenco, Estado de México, 2001, intentaron despojarnos de la tierra poniendo, construyendo un aeropuerto. À Atenco, dans l'état de Mexico, au Mexique, ils ont essayé en 2001 de nous spolier, nous déposséder de nos terres sous le prétexte d'un projet d'aéroport. En 2002, logramos tirar un decreto expropiatorio que nos quitaba más de 5.400 hectáreas. Nos quitaba la vida. En 2002, ils ont émis un décret d'expropriation qui devait nous expulser, nous enlever 6400 hectares de terre qui devait nous enlever la vie. En 2006, nos encarcelaron, nos torturaron, nos persiguieron. Torturaron sexualmente a 47 mujeres. En 2006, ils nous ont pourchassés, ils nous ont torturés, ils nous ont arrêtés, ils nous ont enfermés et ils ont violé 46 femmes de notre village et de la lutte en soutien. Dimos una lucha muy grande y ustedes la dieron junto con nosotros y en 2010 logramos la libertad de los presos que habían sido sentenciados hasta 112 años. En 2010, on a gagné, on a réussi à faire libérer les derniers prisonniers politiques grâce à la lutte et grâce à la solidarité qu'il y a eu, et notamment aussi ici. Et on a réussi à faire tomber les incarcérations qu'il y a eu et qui avaient jusqu'à des peines de 112 ans de prison. Y vamos a lograr el castigo de Peña Nieto con la presión que México haga, pero también el pueblo internacional. ¡Claro que sí! Aujourd'hui, on se bat et il y a une lutte auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la condamnation de Peña Nieto, le président du Mexique, et qui a ordonné cette opération en 2006. Et du coup, les femmes, toutes les femmes qui ont été violées, voilà, il y a une lutte pour que soit condamné Peña Nieto, aujourd'hui encore président du Mexique, pour tous les viols qui ont été commis à cette époque. Pero pongan mucha atención, hermanos. Pongan mucha atención. Porque si bien es cierto que en el 2002 no se hizo el aeropuerto, en el 2014 Peña Nieto anunció la reactivación del aeropuerto. Et je demande votre attention maintenant. Je demande vraiment votre attention parce que le projet qu'on a réussi à faire tomber en 2002 de construction du nouvel aéroport de Mexico, donc l'un des plus gros aéroports du monde, il a été réactivé justement par Peña Nieto en 2014 avec un projet qui est encore plus grand. Voilà, ça devrait être le plus grand aéroport du monde avec des fonds de la Banque mondiale. C'est un énorme projet. Y es así, teniendo instituciones corruptas que no sirven al pueblo, que están podridas porque no nos representan, ninguna afectación ambiental. Et la corruption des institutions, elle est tellement grande, et les ordres d'un gouvernement qui représente personne et qui représente pas du tout les gens et le peuple du Mexique, ça arrive à un tel point que le ministère de l'Environnement mexicain a donné son accord à la construction de l'aéroport sous le prétexte qu'il n'y avait aucune affectation de l'environnement de cette zone qui était l'ancien lac de Mexico. No respetan la lucha jurídica que estamos dando. Logramos ganar amparos y no los han respetado porque la ley la inventaron ellos, no para nosotros. Ils ne respectent pas même la bataille juridique qu'ils ont menée. Ils ont gagné des recours juridiques contre la construction de l'aéroport qui ne sont même pas appliqués. Et ils ne sont simplement pas appliqués parce que les gens qui font les lois, ils ne les font pas pour le peuple, ils le font. C'est eux qui font les lois et ils les font à leurs propres intérêts et pas à l'intérêt du peuple et à l'intérêt des Mexicains. Et aujourd'hui, más que nunca, está claro que no creemos en la ley. En quien sí creemos es en el pueblo, es en el que lucha, en el que se organiza, en el que siente, en el que ama. Et aujourd'hui, c'est plus que clair pour nous que c'est pas qu'on croit pas en la loi, que c'est pas la loi qu'eux-mêmes sont en train d'appliquer, qui est notre force. Notre force, c'est le peuple. C'est le peuple qui lutte, c'est tous les gens qui luttent, c'est tous les gens qui aiment, c'est tous les gens qui se défendent, c'est tous les gens qui résistent et qui sont avec nous et qui sont solidaires. Et notre présence ici obedece à venir à pedir el apoyo, la solidaridad internacional. Porque ustedes pudieron, Notre Dame de Landes pudo, con la unidad de todos, Atenco también va a tirar ese proyecto de aeropuerto. ¡Que se muera! Et aujourd'hui, c'est ça la demande, et c'est aussi pour ça qu'on vient, pour saluer la lutte d'ici, et aussi pour demander cette solidarité et la solidarité internationale pour ce combat, parce que si Notre-Dame-des-Landes a réussi, Atenco va réussir à nouveau à faire tomber ce gouvernement et ce projet du gouvernement et arriver à faire tomber le projet d'aéroport de Mexico. Por eso, hermanos, estoy aquí a nombre de mi Atenco, de mi organización, ante ustedes. Queremos llevarnos el compromiso que ustedes hicieron en México. También nosotros nos comprometemos a continuar en su lucha. No se desmovilicen, porque el enemigo está pensando otra estrategia, a ver ahora cómo ocupa las tierras que ustedes ya ganaron. Et aujourd'hui, voilà, on est là au nom du village d'Atenco pour demander ça, pour qu'il y ait cette solidarité, mais aussi pour faire relayer la lutte qu'il y a ici à Atenco, parce que ce combat, il doit se poursuivre. Et si ça a été gagné sur le projet d'aéroport, ils vont pas s'arrêter et ils vont continuer à vouloir gagner d'une autre manière. Et il faut continuer à lutter pour les terres d'ici qui ont été gagnées grâce au mouvement de tout le monde ici et pour que ces terres elles restent au mouvement et elles restent, voilà, que c'est aussi un combat pour toutes les terres d'ici. Es de quien la trabaja. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Et avec vous, je prie sur la terre depuis Notre-Dame-des-Landes, sur la terre d'Atenco, ni hôtel, ni avion. La terre est là pour produire des haricots. Et voilà. Et terre et liberté, qui était le slogan de leur général, du général mexicain Emiliano Zapata. La terre est à ceux qui la travaillent. Et à bientôt et à toujours. Muerte sereno y me desafiar las sombras envolviéndose de fuego. Yo vi en aquellas miradas las entrañas de la patria, inmensas de dignidad, de justicia y esperanza. Yo vi el profundo valor de hombres, mujeres y niños llegar desnudo al sol, forjando un propio destino. Los vi entrelazar sus venas y blandigueros machetes, dispuestos a dar la vida por el futuro y presente. Conciencia y sus manos, en su memoria y sus sueños, en su camino y sus pasos. Yo lo vi con sus puños armados, luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la duda vencí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací. Los opresores del pueblo no nos espantan. Con estos machetes los obligaremos a entender que nuestra tierra, nuestra patria y nuestra dignidad jamás estarán en venta. Siniestra mostrando sus negros dientes, con fusiles e indecencia amenazando de muerte. Yo vi el miedo que se esconde tras la sucia prepotencia, y a sus hijos arrogantes llorar y pedir clemencia. Vi como los verdugos suplican y se acobardan, cuando el paria decidido dice basta y se levanta, y a los hermanos caídos, honrados por nuestro esfuerzo, los vi cantando gozosos diciendo que venceremos. Yo vi a mi pueblo generoso, elevado. llevarse haciendo historia, fundirse con el futuro, luminoso en la victoria. Yo lo vi, con sus puños armados luché, con su grito indignado canté, con sus brazos hermanos amé. Yo lo vi, con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su lucha morí y renací. Con su fuerza la aurora sentí, con su amor los ideales viví, con su fuerza la aurora sentí, con su lucha morí y renací. 6.3 FPP, la jungle des luttes, on continue. Vous avez donc entendu l'intervention de Trini samedi dernier à Notre-Dame-des-Landes, et donc vous aurez bien compris que voilà, la situation est assez tendue là-bas au Mexique de manière générale, mais précisément à Atenco, et qu'il y a besoin de rester solidaire. Donc ben voilà, à autant du côté de Notre-Dame-des-Landes, comme il disait qu'il fallait, comme elle le disait, tâcher de rester unis pour continuer le combat. Donc là, c'est la lutte de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi là, continuer à être solidaire avec Atenco et de pouvoir créer la pression, enfin maintenir la pression comme elle le demandait. Et donc je vous laisse peut-être la parole, vous qui étiez sur place, pour peut-être un peu nous dire quelle est la situation réelle à Atenco. Il y avait peut-être besoin, enfin il y avait peut-être une campagne internationale qui allait se lancer. On en est où sur... précisément, du coup, puisqu'elle disait qu'il fallait pouvoir un peu continuer à mettre la pression, parce que il y a déjà des travaux qui sont entamés. Il y a déjà des travaux qui sont entamés, notamment pour les autoroutes qui seraient autour de l'aéroport. Et ce sont des autoroutes qui passent par des terres communales, les ejidos. Mais là, ils sont déjà en construction. Il y a aussi l'autoroute de Xochicuautla. Oui, qui est en lien direct avec une lutte dont on a déjà parlé aussi. C'est pas juste à côté. Hein, mais ouais, c'est... Non, mais qui sont en lien les avec mêmes, les projets, l'énorme projet d'aéroport et... international, de rendre les accès possibles, qui passent sur des terres communales sacrées et dont on... Bah après, sur l'aéroport de Mexico, ce qu'on peut dire... c'est que c'est le projet d'aéroport le plus cher au monde, qu'il a été réactivé en 2014. Et du coup, que voilà, si ils ont réussi à gagner une fois, c'est extrêmement dur de continuer la lutte quand y a la répression qui a... Enfin, surtout après toute la répression qu'ils ont subie, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui bah, parce qu'ils proposent beaucoup plus d'argent aux gens, les gens ils ont une capacité de résistance limitée aussi, la situation économique elle est plus difficile, plein de choses, etc., qui fait que il y a eu plus d'achats, de corruption, de leaders, enfin pas de leaders mais des autorités aussi, des terres collectives, etc. Et du coup... Et puis ça touche vraiment des milliers de personnes aussi. Ouais, le principal... on va dire, moi, de ce que j'ai suivi jusqu'à il y a quelques mois ou quoi, etc. Mais en tout cas, là où ils résistent, où ils résistaient, ils essaient de résister, c'était sur la construction des routes. Où ils essaient d'empêcher les travaux, mais ça, ils ont été obligés d'arrêter à un moment donné. Ils faisaient des campements, plein de choses, etc. Mais ils sont confrontés à des groupes paramilitaires qui leur tirent dessus. Et du coup, ça a été assez compliqué. Du coup, vu qu'ils ont déjà subi des morts, etc., c'est quelque chose que déjà, comme ils sont... ils sont moins à s'organiser, donc ils essaient de pas tomber dans le truc de l'affrontement, en plus à l'intérieur du village même, parce que c'est des groupes de villageois qui travaillent sur les travaux de construction, et donc du coup ils essaient de pas tomber là-dedans. Par contre, ils essaient de faire, c'est empêcher la vente, la cession des terres, en fait. Parce que pour avoir la cession des terres, normalement, il faudrait que les terres elles soient reconnues comme propriété individuelle et plus comme propriété collective. Et ça, en fait, ça a été fait à travers des actes frauduleux, en fait, où il y a des... Enfin, tout le processus, il a été vicié. Il y a eu toute une série de fausses signatures qui ont été faites. Et donc ça, il y a plein de recours juridiques qui ont été faits par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est des recours qui n'ont pas bloqué l'avancée des travaux et sur lesquels il n'y a pas de résolution encore et sur lesquels ils espèrent avoir suffisamment de pression internationale pour faire reconnaître qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu falsification de documents, qu'il y a eu tout ça. Et donc si c'était reconnu, en fait, ça voudrait dire que tout le processus d'achat de terre est invalide. Et donc, du coup, ça protégerait leurs terres. Mais il faut un rapport de force pour pouvoir... établir ça, et je crois que c'était un peu c'est l'une des principales choses sur lesquelles ils ont besoin d'un appui international, en fait, pour arriver à faire respecter les conditions, le petit cadre de loi qui leur permettrait de résister à un projet gigantesque, quoi. Sachant que c'est extrêmement dur, c'est même pas que les gens qui vendent ils sont pour l'aéroport, c'est pas ça, c'est souvent la pression économique qui fait que les gens se retrouvent acculés. En fait, les promoteurs ils viennent les voir chez eux un par un. C'est limite du harcèlement plutôt. Ouais, c'est du harcèlement quand les gens ils ont des problèmes économiques, plein de choses. Enfin voilà, on connaît des anciens camarades qui ont vendu. Et voilà, et c'est souvent ça, quoi. Donc, du coup, en fait, il y a que des cadres de résistance collective qui permettent de résister par rapport à ça. C'est pas possible juste en comptant sur la volonté individuelle, mais encore faut-il que ces cadres collectifs ils soient pas systématiquement piétinés et détruits. Et c'est là où la solidarité internationale elle peut jouer. Et puis aussi pour l'histoire des 43 femmes violées. En 2006, au moment de la répression, où il y a une demande qui est faite auprès de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et du coup contre Peña Nieto, qui est le président du Mexique encore aujourd'hui. Et du coup, si l'écho que cette plainte internationale a, forcément aurait de l'écho aussi, pareil sur le degré de répression qu'il pourrait y avoir à Tenco, et puis sur la condamnation de tous les gens, de toutes les tortures, de tous les viols des deux personnes qui ont été tuées en 2006, pour toutes les années de prison que les gens sont pris. Donc c'est quand même important. Et voilà, du coup je pense qu'en tout cas il y a un appel à lancer une campagne internationale, mais ça il faut encore l'élaborer, tout ça. En tous les cas, voilà, si les gens veulent être un petit peu attentifs, voilà, si vous voyez quelque part avec Atenco, mobilisez-vous. Si vous voulez bien, vous pouvez aussi justement nous rencontrer le CSPCL le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h30 pour éventuellement avoir des informations, partager avec nous des informations si vous en avez ou si vous avez... d'autres luttes qui se passent en bas à nous communiquer, à nous faire connaître et éventuellement utiliser cet espace pour qu'on puisse connaître un peu toutes ces luttes qui peuvent avoir une renommée internationale. Parce qu'à Tenco, maintenant, justement, ils avaient eu aussi cette qualité de pouvoir rester mobilisés sur les fronts de lutte et pas seulement une fois que leur victoire avait été... consumés. Bon, voilà, ils sont restés sur la lutte, ils ne sont pas seulement restés à reprendre leur vie au quotidien, leur vie avait changé. Et je pense que du coup, il y a aussi cette volonté de pouvoir vraiment jouer sur la solidarité et le fait de pouvoir être unis et en partage et tout ce qu'on peut retrouver à Notre-Dame-des-Landes avec toutes les luttes auxquelles il faudrait s'intéresser. Bure, il faut aussi pouvoir regarder ce qui se passe, être solidaire avec. Tout un tas de projets et en Bretagne, en France, dans le sud, au Pays Basque, partout, un peu partout dans le monde. Du coup, qu'est-ce que vous... Non, non, c'était... Du coup, elle était contente de son séjour, j'imagine, Trini. Ah, Trini, elle était très contente. Pour elle, c'était historique. Il avait déjà Nacho d'Atenco qui était allé à la SAD avant. Et pour Trini, ça, c'était important de saluer l'abandon définitif du projet de Notre-Dame-des-Landes et en même temps faire cet appel à la solidarité internationale pour relancer la lutte d'Atenco. Et maintenant, je pense qu'ils ont vraiment besoin du monde en ce moment, parce que tout peut se jouer sur le cadre juridique, mais pas que. Et les coups de 2014, la réactivation de l'aéroport Atenco en 2014, c'était un coup vraiment bien préparé, parce qu'avant la réactivation par le président Peña Nieto, que c'était en septembre 2014, ils ont réussi à faire cette assemblée un peu truquée, et quelques mois avant, pour changer justement les droits de la terre, de passer d'une terre communale, d'un ejido, à une propriété privée qui peut être vendue. Donc c'était un coup vraiment bien préparé. Maintenant, il y a aussi, sur les niveaux juridiques, une autre lutte pour, dont Atenco vraiment essaie de la gagner, un recours, parce que ça va se jouer aussi si on les considère ou pas un pueblo originario, un peuple autochtone. Parce que normalement, là, en ce moment... Ils sont considérés comme un peuple non autochtone. Et si c'était le cas contraire, ils pourraient encore faire encore plus de recours pour éviter l'expropriation des terres ou qu'elles soient vendues. On fait une petite pause musicale en attendant que notre copain de Notre-Dame nous appelle. Il ne devrait pas tarder. Ernesto tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía. Tiene el hospital. Estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos. los gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! FPP, la jungle des luttes. Donc on était à Notre-Dame, à Tenco, les projets, la lutte à mener et donc justement le projet de l'Ambassada qui continue et qui se construit petit à petit et donc qui nous invite encore à partager des moments sur la ZAD. Vas-y, salut, t'es avec nous au téléphone pour l'Ambassada. Allô, allô. On l'entend pas. Il faut appuyer sur un petit bouton peut-être pour que ça marche. Ben, allô. Donc, ouais, l'Ambassada, c'est un lieu de rencontre. Donc, c'est à toi de parler, Mitch. Allô. Alors, on s'excuse. Peut-être que il faut, peut-être qu'il faut faire un petit truc. Alors, bon, en tous les cas, sur la ZAD, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il s'est passé plein d'autres petites choses. Le dimanche, donc justement, cette rencontre à l'Ambassada, qui est un projet qui a été construit notamment avec les copains basques. Et il y a le projet. Il y a eu aussi une internationale boulangère mobile. Donc, ça aussi, c'est un collectif qui aimerait bien se construire aussi avec tout plein d'initiatives autour de la production boulangère avec justement un copain qui a un vélo avec un four mobile, donc ce qui lui permet de faire 400 kilos de pain. Et donc, il y a plein d'autres boulangeries qui ont plein d'initiatives. Et on a pu aussi visiter la boulangerie de Notre-Dame, où c'est un projet collectif où il y a trois personnes qui, en permanence, donnent une journée de travail pour produire du pain. Et puis, il y en a d'autres qui tournent également. Donc, voilà, il y a des choses autour de la boulangerie. On a déjà parlé ici de la conquête du pain. Donc, il y avait les copains de la conquête du pain. Et puis, là, on n'a qu'à faire une petite pause musicale. Et puis, on voit ce qui se passe ou on passe à autre chose. Ça ne marche pas, là, on dirait, pour le moment. Là, quand tu parles, on ne t'entend pas. Normalement, ça devrait marcher. Mais... Donc, on est désolé. Vous nous mettez un petit morceau de musique. Et puis, on essaye de voir ce qui se passe. On reprend éventuellement. Musique 106.3 à la jungle des luttes. Troisième lundi du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis le jeudi matin. color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas. Anticapitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. En 6.3, la jungle des luttes, est-ce qu'on va y arriver ou pas à être avec les... Ouais, super, salut, excuse-nous. Alors dis-nous, à l'ambassada, là, t'avais déjà présenté un petit peu le projet et toutes ces suites à donner, on te laisse la parole. Et ben oui, du coup, là, au week-end du 10-11 février, où il y a plein de potes qui sont venus nous voir, c'était chouette. On a décidé dimanche de faire une AG pour continuer sur le projet de l'ambassada. C'est une cabane pour relier les luttes intergalactiques, on va dire. Et c'est un lieu où on aimerait bien que les gens venus d'un peu partout viennent présenter leur lutte et passent un peu de temps, puissent passer un peu de temps sur zone et que ce soit pas juste une soirée de présentation, mais qu'on puisse avoir le temps de faire du lien et de construire des choses sur du long terme. Donc là, c'était chouette parce qu'il y a Trinidad qui est venu de l'Atenco et qui a pu un peu inaugurer le lieu, même s'il n'est pas tout à fait fini. Là, il y a le toit, il y a la surpente, etc. Mais il manque encore les murs, les fenêtres et tout. Mais bon, c'était déjà couvert. Et donc, il a fait un appel international à soutenir la lutte d'Atenco. Et puis, l'idée, c'était aussi de continuer le chantier avec les gens que ça intéressait. Donc, il va y avoir une première session fin mars, début avril. 24 mars. Ouais. Ça a commencé 24 mars. Donc il y a un collectif de Basques qui a lancé le projet avec nous, ils reviennent à une centaine d'après ce qu'ils m'ont dit. Et il y a un collectif breton aussi qui vient discuter avec eux de toutes les luttes qu'ils essayent de mener contre des mines, ils essayent de rouvrir des mines en Bretagne et puis aussi de l'extraction de sable pour faire du béton, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de thèmes qu'ils aimeraient qu'il y ait plus de monde qui viennent se battre contre ces choses-là. Donc du coup, ils se rassemblent pendant une semaine à l'ambassade et on va relancer un peu le chantier, puis surtout on va préparer l'été pour continuer le chantier et que ce soit ce soit prêt à l'automne prochain pour mettre un peu confort et faire d'autres rassemblements. Voilà. Donc ça, c'est dans ça, c'est le scénario où tout se passe bien et il nous laisse tranquille continuer à faire ce qu'on fait. Il y a un autre scénario où ils décideraient de, une fois de plus, c'est leur obsession de venir évacuer la ZAD. Donc, je sais pas, il y a encore des rumeurs, comme d'hab, qui disent qu'il viendrait plusieurs milliers de flics, justement, fin mars, pour venir faire des interrogatoires sur place et trier les gens. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, eh ben, il y aura au moins les potes du Pays Basque et de Bretagne pour défendre la ZAD avec nous. Bon, bah, donc, y a besoin de monde éventuellement. D'autres personnes sont invitées ou uniquement le chantier ouvert à ceux qui sont déjà. Là, pour le moment, on n'a pas encore relancé des discussions de comment préparer la défense s'ils reviennent. C'était déjà une bonne chose qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui viennent le week-end dernier, là, mais enfin, il y a 10 jours, mais. Mais bah, faut se préparer à vous réinviter à nouveau et passer avec que ce soit moins festif éventuellement. Donc voilà, pour le moment, je pense qu'on va relancer un peu des discussions autour de ça. Moi, je pense que c'est intéressant, ce serait intéressant que tous les lieux de la ZAD décident d'accueillir des comités de soutien au cas où. Enfin, on se prépare à mettre en relation avec les comités de soutien qui leur rendent visite régulièrement et qu'on puisse être présent au cas où, quoi, et que ça fasse du bruit. Donc voilà, je pense qu'on va bientôt tenir informé tout le monde s'il y a d'autres rumeurs qui courent. Profil, quoi. Bon, bah, merci beaucoup pour l'info. De toute façon, on aura peut-être l'occasion justement de se parler le mois prochain, au mois de mars, puisque je pense que ce sera juste avant le 24. Donc, on aura peut-être un peu plus d'infos sur la situation. Okay. Et alors, puis, merci beaucoup et à très bientôt. Quand vous voulez. Et ouais. Et sinon, je pense qu'il y a des gens de Nantes qui vont appeler tout à l'heure. Semaine des résistances et qui vont passer un petit coup de fil aussi tout à l'heure. Ça marche. Donc là, normalement, on sera bon pour. Ça marche, merci. Allez, bonne soirée. Ciao. Salut. Tchuss. Et on continue, du coup, on a déjà fait une petite pause musicale, pas prévue tout à l'heure. On va prendre un petit peu de temps pour justement, on l'avait dit, passer. D'un côté du continent à l'autre, du coup, parler un petit peu du Mexique, puis on en a parlé tout à l'heure avec le cas d'Atenco. On a également parlé de la question de la disparition. On a évoqué les disparus d'Ayotzinapa et d'autres encore, et la répression. Et peut-être qu'on peut continuer aussi à parler de ce qui se passe au Mexique ailleurs encore. Je te laisse prendre la parole. Non, bah après, comme d'habitude, il y a quand même pas mal de choses qui se passent un peu tout le temps. Des fois, on arrive à relayer, des fois, non. Mais il y a quand même deux choses assez importantes qui sont passées dans la semaine dernière. Il faudra qu'on relaye un peu, même si on n'a pas toujours le temps de traduire aussi. Mais la première, c'est que, c'est à Oaxaca où du coup, dans une zone où bon, un certain nombre, on connaît un peu, qui est la zone sud de Oaxaca, en direction de Huatulco, où ça fait longtemps qu'il y a des organisations paysannes plutôt proches de Flores Magón et des libertaires qui donc qu'on qui ont un mouvement assez important par là-bas, que, notamment la principale qui s'appelle le CODEDI. Je ne sais même plus, ça veut dire quoi le CODEDI? C'est Commission de défense des droits indigènes. Des droits indigènes, oui. Qui est dans les montagnes au-dessus de Huatulco, tout ça, sur la Sierra Sur de Huaraca. Et là, c'est des dizaines et des dizaines de communautés qui sont organisées, notamment qu'on fait un espèce de centre de formation autonome, un peu sur le modèle de l'Université de la Terre au Chiapas, sauf que c'est un projet vraiment de Huaraca avec tous les jeunes un peu de ces communautés, avec des ateliers d'apprentissage de plein de choses, que ce soit faire du pain, faire des briques, la nourriture, l'élevage d'animaux, de techniques agricoles, de plein de choses. Donc c'est des projets qui visent à l'autonomie des communautés de la région, de cette région-là. Et il y a la semaine dernière, je crois que c'est mercredi, une camionnette qui transportait un certain nombre de personnes de cette lutte, dont Abraham Ramirez, je crois, qui était un ancien prisonnier politique de Huaraca, assez connu, assez proche du milieu libertaire de Huaraca. Ils sont fait mitrailler sur le retour de la capitale, et il y a trois personnes du mouvement qui sont décédées, trois personnes des villages de cette zone. Du coup, bon, comme c'était une lutte, enfin que c'est un mouvement et des projets où il y a eu aussi pas mal de solidarité internationale, il y a eu souvent, c'est surtout des brigades d'Italie, j'ai l'impression, qui sont souvent partis là-bas, mais donc en tout cas il y a des gens qui sont partis là-bas faire des ateliers, il y a un certain nombre de gens, que ce soit au Mexique ou au niveau international, qui étaient partis là-bas. Du coup, il y a des appels à mobilisation, et notamment parce qu'apparemment, donc il y a quand même, ça s'est fait avec la complicité de l'État d'Huaraca, enfin en tout cas du gouverneur de l'État d'Huaraca, qui est le fils Murat, une belle génération d'enfoirés, de politiciens qui ont été responsables d'un certain nombre de morts depuis les années 70, d'assassinats, et qui sont parmi les plus riches familles de l'État et du Mexique. Et du coup, voilà, il y a un appel à mobilisation aussi internationale par rapport à ça. L'autre nouvelle un peu importante et dure aussi, c'est la tournée du Conseil indigène de gouvernement. Conseil indigène de gouvernement, du coup, c'est pour rappeler, c'est toute cette initiative qui est en cours, qui a été entreprise par les Zapatistes et par le Congrès national indigène, de mobilisation un peu partout dans toutes les régions indiennes du Mexique, à la fois d'un côté pour présenter, s'ils le peuvent, une candidate, la porte-parole du Conseil indigène de gouvernement comme candidate aux élections présidentielles, enfin en tout cas de faire porter la voix des communautés indiennes en résistance dans tout le Mexique, et de l'autre côté de former un Conseil indigène de gouvernement pour coordonner un peu toutes les luttes et les régions indiennes au Mexique qui construisent leur autonomie. Et du coup, il y a une tournée depuis des mois un peu partout au Mexique, dans toutes les communautés indiennes principalement du Mexique, une tournée à la fois de Marie Chuy, qui est la porte-parole, mais aussi de plein de conseillers qui ont été désignés par leur région indienne, qui se retrouvent à visiter d'autres régions indiennes pour parler de ce qui se passe dans leur communauté, voir ce qui se passe dans les autres communautés indiennes, etc. Et là, c'était en Basse-Californie. Et essayer d'articuler, justement, puisque c'est ça l'objectif. Qu'il y ait beaucoup plus de liens entre d'une zone, d'une région indienne à l'autre, qu'il y ait une coordination de plus en plus forte pour pouvoir faire des actions conjointes et pouvoir se défendre de manière collective. Et là, du coup, durant la tournée en Basse-Californie, où il y a des communautés, Kumiai, etc., il y a la camionnette. La principale camionnette qui se rendait du CNI. De délégation qui a eu un accident de la route un accident qui a été mortel pour l'une des occupantes de la camionnette et qui a entraîné plusieurs blessés et blessés graves, dont Marie Tchouy, qui est du coup la porte-parole. Et donc, avec, bah, il me semble qu'ils sont tous encore à l'hôpital, voilà. Et du coup, avec la tournée du Conseil indigène de gouvernement qui est temporairement stoppé, en tout cas au vu des circonstances de ce qui s'est passé. C'est, je crois qu'ils savent pas encore, ils arrivent pas encore à déterminer les causes de l'accident. C'était une camionnette qui avait été louée un petit peu auparavant. Enfin voilà, il y a, en tout cas c'était tout récent, c'était ce week-end il me semble. Ouais, c'était il y a deux trois jours quoi. Donc voilà, c'est quand même, enfin c'est quelque chose d'assez important aussi qui s'est passé au Mexique où on sait pas trop les suites. Puis c'est surtout que, étant donné qu'il y a eu plein de complications au cours de cette campagne, enfin, il va sans dire que l'annonce de la candidature et de la création du Conseil indigène de gouvernement, évidemment, tu sais bien que dès le premier jour, enfin, tout le monde savait, et c'était aussi un peu l'enjeu et l'objectif, c'était de créer un événement, enfin, que cette candidature crée un événement, c'est-à-dire qu'à partir de là, toute la gauche, l'extrême gauche, les intellectuels ont forcément critiqué cette initiative. Et en même temps, il y a une obligation de regarder ce qui est en train de se passer, les communautés de se mobiliser. Et en même temps, toute une stratégie du côté des institutions pour bloquer ce processus. Quand bien même, on sait que les indigènes eux-mêmes n'ont pas de carte d'électeur ou ne sont plus valides, etc. Donc, malgré toutes les difficultés que pourrait avoir la candidature et cette initiative, il y a tout un tas d'embûches qui sont mises sur le parcours. Donc on avait déjà évoqué le fait qu'ils ont mis en place un nouveau processus pour récolter les signatures, puisque au Mexique, c'est des signatures d'électeurs et non pas de gens affiliés à des partis. Donc il faut récolter 880 000 signatures donc auprès des lecteurs, et donc avec un système maintenant informatique qui demande du coup un téléphone avec une connexion internet, avec en sachant que la plupart une grande partie du pays n'a pas de réseau ou en tous les cas pas assez de puissance pour pouvoir réellement aller sur toutes ces applications. Alors, il paraîtrait qu'il y a eu quand même une pression qui avait été faite et que la possibilité d'avoir des signatures papier était possible et que ça avait été repoussé d'une semaine, la récolte des signatures. Bon, ça, c'est ce que j'avais cru lire avant que n'ait lieu l'accident, en fait. Donc, bon, a priori, il y a peut-être un délai des possibilités qui est finalement les signatures. Bon, en sachant qu'aujourd'hui... voilà, il y a la tournée en tant que telle est suspendue. Donc, on vous invite éventuellement à être attentif sur tout ce qui se passe au Mexique et à voir un peu comment ça se poursuit. En tous les cas, vous pourrez aussi peut-être profiter à la prochaine émission parce qu'on en a parlé. Je pense que la rencontre des femmes du monde en résistance, enfin des femmes en résistance du monde entier, qui sont donc invités dans le Caracol de Morelia, un territoire zapatiste, donc le 8, 9 et 10 mars. Donc ce festival est ouvert à toutes surtout, donc précisément. Et je pense qu'on en parlera en mars prochain. J'espère que quelqu'un sera allé là-bas et pourra nous en parler en direct ou par téléphone. Il y a des appels à envoyer du matériel vidéo ou audio aussi sur place. De manière à mouvement pouvoir... féministe ou voilà, qui voudrait participer. En tout cas, il y a eu des appels à contribution. Donc voilà, donc si jamais vous voulez éventuellement des infos, si vous pouvez pas vous déplacer à nos assemblées donc le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h30, 33 rue des Vignoles, vous pouvez éventuellement nous écrire. Notre site, c'est cspcl.ovaton.org. Normalement, il y a un petit encart là où on peut nous écrire et éventuellement nous demander des informations si vous avez envie de vous intéresser de plus près à tout ce qu'on est en train de vous raconter. On a des petites infos, on peut des fois faire passer l'info, relayer, créer des ponts. C'est un peu l'objectif de notre comité et c'est aussi un peu l'objectif de notre programme de radio, d'essayer de faire des ponts entre des luttes et de pouvoir donner la parole à toutes ces luttes en bas. Voilà, bah, une autre occasion, peut-être, je ne sais pas si je la mentionne dès maintenant, mais c'est vendredi soir prochain où il y aura une discussion, présentation, débat, showcase de, à l'alimentarie 64 rue Jean-Pierre Timbaud, enfin juste à côté de l'alimentation générale, enfin ça dépend de l'alimentation générale si je me trompe pas, du coup métro Parmentier, voilà, enfin dans le rue Jean-Pierre Timbaud, métro Parmentier, donc à partir de 19h où il y a du coup les 64 camarades, rue Jean-Pierre copains Timbaud. D'Angle Mort et de B-Boy Conscient qui organisent du coup ce qu'ils appellent les Vendredièzes. Et là, c'est avec, autour d'un livre qui s'appelle Le Mexique Profond, voilà, qui a été traduit, qui vient d'être traduit donc, sur les luttes indiennes et sur, enfin, sur les, l'identité indienne et les résistances et les luttes. Dans les régions indiennes du Mexique, avec préfacé par Alessie Delumbria, du coup, qui sera là le vendredi, le CSPCL et le collectif Paris Ayotzinapa. Voilà, à partir du coup, discussion à partir de 19h et à 20h30, un showcase avec de Riam, une rappeuse du 20e arrondissement, il me semble. Mais voilà, qui rappe très très bien et qui avait déjà fait des trucs, voilà, notamment avec Alas ou avec Maré, des rappeuses mexicaines qui étaient venues en France en octobre et en août dernier. Du coup, voilà, ça va être aussi l'occasion de discuter rap, musique, voilà, de plein de choses. Donc voilà, c'est vendredi soir prochain. On fait une petite pause musicale et puis on aura nos copains qui nous raconteront ce qui se passe du côté de Nantes de nouveau. Je vous ai dit, on navigue. Musique. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Anticapitalista del corazón, Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. We'll be right back. 106.3, la jungle des luttes. On est au téléphone avec des copines, copains qui nous racontent un petit peu ce qui se passe. Un festival des résistances, il me semble, qui s'organise à Nantes. Salut. Bonjour. Salut, bonjour. Bonsoir. Je vous écoute si vous voulez nous raconter ce qui se passe du côté de chez vous. On vous écoute tous. Et très bien, ça marche. Et ben alors, là, on est à la première soirée de la quatrième semaine de résistance à Nantes. Du coup, il y a plus de 100 personnes ce soir, donc c'est chouette. Ça marche bien. Et alors, cette soirée, elle est sur les luttes des exilés, et plus particulièrement les luttes des exilés à Nantes, avec toutes les actualités qu'il y a eu sur les occupations des Beaux-Arts, puis à la fac. Ouais, ça, le mois dernier, il y avait une copine qui avait pu nous en parler, ouais, justement. Voilà, donc on va peut-être faire un petit retour sur c'est quoi la semaine de résistance et ouais, tout combien à de fait. Temps ça existe. Ouais. Alors, elle est née en... On peut dire qu'elle est née en 2014, lors du jour de la grosse manifestation anti-aéroport, le 22 février 2014. Il y a eu plus de 50 000 personnes dans les rues, plus de 500 tracteurs, une énergie débordante. Que ce soit autant de la créativité que des affrontements avec la police. Et suite à cette manifestation, il y a eu une énorme répression, autant judiciaire que policière. Il y a 3 personnes qui ont perdu un œil lors de cette manifestation, et des centaines de blessés par la police aussi. Et du coup, il y a un collectif qui s'est créé, et qui, en 2015, a décidé qu'il fallait marquer cette date-là, autant pour ses côtés positifs que négatifs, on va dire, et qui a du coup décidé de lancer la semaine de résistance, qui se concrétise par des débats, des rencontres, des discussions pendant une semaine, chaque soir, dans un lieu différent à Nantes, que ce soit des bars, des trucs associatifs, et qui se conclut toujours le samedi par une grosse manifestation de rue. Du coup, l'édition de 2015 était pas mal axée sur les violences policières et les manières d'y faire face. Ensuite, en 2016, elle était beaucoup consacrée à l'état d'exception. C'était en novembre que l'état d'urgence s'est déclaré. Et en 2017, les débats avaient principalement tourné autour de la campagne présidentielle, les échecs qu'avaient pu rencontrer certains partis de gauche dans d'autres pays, sur la question du pouvoir. Et là, pour cette semaine-là, du coup, la quatrième édition, il y a énormément de dynamique en ce moment à Nantes sur plusieurs luttes. Et du coup, la soirée de lundi, on l'a dit, c'est sur les exilés. La soirée de demain, du mardi 20 février, ça va être un retour sur le mouvement de la loi travail à l'automne 2017 et un peu les spécificités du mouvement nantais, comment les compositions syndicales et plus autonomes ont pu se lier, s'apprivoiser, au contraire avoir des échanges un peu vifs. Oui, et dans l'après-midi, du coup, demain à 14h, il y a également un syndicaliste qui va passer en procès, parce que suite à une manifestation qui avait eu lieu dans le cadre du Front Social, donc il y a une action qui avait eu lieu, c'était un murage symbolique de banque, et donc il y a une seule personne qui a été prise, convoquée des semaines ou des mois plus tard, et qui est jugée pour avoir muré la banque HSBC. Donc il y a un rendez-vous à 14h devant le tribunal, donc les Nantais, n'hésitez pas à venir en soutien pour le syndicaliste, voilà. Voilà. Ensuite, le mercredi, ça a enchaîné par une soirée à La Dérive, qui est un bar associatif militant qui a ouvert au début de l'année et qui va parler de la victoire du mouvement anti-aéroport et des résistances sur tous les projets d'aménagement urbain qu'il y a à Nantes, dans le quartier de Chantenay, le quartier de Doulon, du square d'Aviet. Ça va être la soirée du mercredi. Ensuite, la soirée du jeudi, ça va être un retour sur le mouvement de mai 68 à Nantes, ainsi que les perspectives. Et alors quelque chose qui est très peu connu, à Nantes, pendant le mai 68 nantais, le mouvement allait beaucoup, beaucoup plus loin que dans d'autres villes et même qu'à Paris, parce qu'à partir du 24 mai, la préfecture n'avait plus aucun pouvoir, la mairie s'est évaporée, et c'est un comité central de grève, composé de représentants syndicaux, qui ont administré la ville pendant un peu plus d'une semaine. Du coup, ça sera l'occasion de revenir sur ça, et ensuite sur les perspectives qui nous attendent aujourd'hui. À bientôt, au bientôt 50 ans de mai 68. Et du coup, les débats et discussions vont se conclure le vendredi 23 février sur l'état d'urgence et la gouvernance par l'antiterrorisme. Du coup, il y aura une personne de l'affaire Tarnac qui sera là, ainsi que des avocats. pour parler de la gouvernance antiterroriste du gouvernement et comment, comment y résister. Et il y aura aussi une personne de l'affaire dite du pommeau de douche qui a eu lieu l'année dernière à Rennes. Donc tout ce qui s'est passé autour de la répression, autour de cette sale affaire. Voilà, et du coup ça va quasi se conclure le samedi 24 février par une grosse manifestation carnavalesque. Du coup on invite tout le monde, alors ça sera à 15h, place Bouffay, le samedi 24 février. Et c'est un appel qui est large, donc on invite tout le monde à descendre sur Nantes pour participer à ce carnaval, le samedi 24 février à 15h. Ça va être un moment qui va être vachement chouette. Et on peut dire que c'est la grosse date de la semaine. Si vous ne pouvez pas venir aux soirées pendant la semaine, venez à la manif. Et le dimanche 25 février, ça va se conclure par une balade historique sur les pas des résistances nantaises. Donc on va se balader dans toute la ville en marquant historiquement qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit, quelle manifestation il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment. Ça va être très très intéressant. Et ça va se conclure à 13h par un banquet à la salle de l'égalité avec des ateliers, de la discussion, de la bouffe évidemment. Voilà, ça c'est le programme de toute cette semaine à Nantes. Qui a l'air très alléchant. Vous pouvez le retrouver du coup sur la page de Nantes Révoltée. Il y a un événement qui récapitule tout le programme. Si jamais vous n'avez pas tout retenu ou tout noté, c'est tout sur Internet. Ouais. Bon, merci beaucoup. Il se passe plein de choses à Nantes. Et donc, si on peut, on redescendra encore faire un tour ce week-end. Merci beaucoup pour votre appel. On vous salue tous. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. Salut, merci. Et alors donc on est sur la fin de notre émission. On vous rappelle qu'il y a quelque chose là dans mes oreilles, c'est quoi ? C'est tout va bien. Et on vous rappelle que vous avez la possibilité de consulter toutes nos émissions, enfin jusque janvier 2017, sur le blog La Jungle des Luttes. Depuis, on n'est pas tout à fait au point, donc vous pouvez éventuellement nous recontacter si vous voulez nous réécouter. Mais en tous les cas, on est retransmis jeudi en 8, donc à quatrième semaine, jeudi matin, de 8h à 9h30. Et vous pouvez toujours nous rencontrer le mercredi soir, 1er, 3e, 5e mercredi à 20h30, 33 rue des Vignoles, et nous écrire sur cspcl.ouvatopa.org ou bien consulter notre site avec les informations dernières ou pas, toujours mises à jour. On est un petit groupe finalement, venez nous rejoindre si vous avez envie de mettre de l'énergie autour de nos activités liées aux apatistes et pas seulement, en tous les cas, les luttes en bas à gauche. Et vous pouvez également souscrire, parce que pendant très longtemps, on n'en parlait plus trop, parce qu'on vous a déjà parlé de la maladie qui avait attaqué le café et la production donc, de café avait énormément chuté. Donc, on ne faisait plus trop d'annonces sur la question du café. Par contre, il y a toujours du café maintenant. Enfin, il y a de nouveau du café, pardon. Et il y a toujours Essence Solidaire qui se propose donc, de le distribuer. On fonctionne toujours avec la pré-vente, c'est-à-dire qu'on pré-vend le café de manière à avoir des sous pour payer les producteurs au moment de la commande et de payer les 40% qui restent au moment où on reçoit le café. Ce qui veut dire que donc on a besoin des sous en amont. Donc vous pouvez éventuellement souscrire où il y a un site Échange Solidaire. Donc normalement vous pouvez trouver des informations et nous écrire et souscrire. C'est 3,50€ les 250 grammes de café moulu ou pas en grains éventuellement. Vous pouvez éventuellement mettre juste ça sur un petit bout de papier avec un chèque. Donc Échange Solidaire. 21 Terre, rue Voltaire, 75-011, Paris. Donc voilà, en mettant votre quantité de café, votre nom, votre adresse, votre mail, votre téléphone, si vous êtes intéressé. Et vous pouvez, sinon, voir un peu ce qu'on fait sur le site aussi avec cette association Échange Solidaire. C'est le CSPCL qui a créé cette organisation un peu pour gérer la distribution du café. Et donc voilà, si vous voulez éventuellement, c'est reparti le café. Les producteurs ont beaucoup plus de café que prévu, donc tout va bien. Il y a au moins des choses positives. On finit sur une note positive. Les producteurs de café vont pouvoir enfin voir le bout du tunnel avec cette maladie qui attaquait leur plant de café. Voilà, la Lucia Sigue, merci beaucoup les compas d'être venus à cette table. Les copains à la technique, merci aussi. Et donc, on n'oublie rien, hein, la lucha sigue, on continue, on se retrouve en mars prochain. Enfin, la prochaine émission, c'est mars. Merci. Et voilà quoi. Ciao. Chaito, merci. On va finir tranquille pour laisser la place à la prochaine émission. Merci, ciao. Bye.